Chapitre 9e. Il y avait environ 8 jours que le commandant de Frémeuse méditait sur les incidents de sa promenade avec Madame de la Pave et commentait à part lui les moindres détails de leur entretien, un peu étonné de n'entendre plus parler de sa voisine, mécontent d'elle et mécontent de lui, quand des rumeurs étranges se répandirent un matin dans le voisinage. Des scènes terribles avaient eu lieu entre Madame de la Pave et son fiancé. Une incompatibilité d'humeur absolue s'était manifestée. Bref, elle l'avait congédié et le mariage était rompu. Les événements s'étaient tellement précipités qu'on apprit en même temps au prieuré la fuite de Madame de la Pave chez ses parents d'Alençon et son retour chez elle après le départ définitif des Combaleux. Ces nouvelles plongèrent Madame de Frémeuse dans une pure extase de joie, car elle la délivrait de toutes ses inquiétudes et lui rendait toutes ses espérances. Il y eut plus d'incertitude et plus de mélange dans les sentiments de son fils, quoique certainement la satisfaction y dominât. « Je ne doute pas, dit-il à sa mère, que ce ne soit simplement partie remise et qu'elle ne se remarie un jour ou l'autre, mais du moins ce ne sera pas si tôt, et de plus, on peut espérer qu'elle fera un meilleur choix. Il y avait quelque chose de particulièrement pénible à voir cette femme d'élite, si distinguée et si délicate, tomber entre les mains d'une brute. C'était comme un mauvais rêve. » Il y avait dès ce moment une démarche qui s'imposait à Maurice. Madame de la Pave, après avoir pris cette grave détermination, qu'il savait devoir lui plaire et à laquelle il n'était peut-être pas étranger, devait attendre de lui quelques paroles de sympathie et de félicitations. Il voulut les lui porter sans retard et se rendit le jour même au château. On l'introduisit dans un petit boudoir tendu de soie jaune où la jeune femme était en train d'écrire. « Ah » dit-elle simplement en se levant, « c'est aimable. Vous me prévenez, je vous écrivais. » Et dès qu'ils furent seuls, lui touchant le bras légèrement et dressant vers lui sa jolie tête, « Eh bien, êtes-vous content ?»« Très content et très heureux, » dit-il en souriant, « et si j'y suis pour quelque chose, très reconnaissant. »« Vous y êtes pour tout, » dit Madame de la Pave avec force. Puis s'asseyant et lui montrant un siège, « Mettez-vous là. » Elle se recueillit un peu, soupira longuement et reprit. « Monsieur, je désire que vous me connaissiez bien. Comme toutes les femmes, je puis être à mes heures très dissimulée et même très perfide. Mon malheureux cousin vient d'en avoir la preuve. Mais en général, je suis franche et droite. Vous le savez déjà. Vous allez le savoir encore mieux. Écoutez-moi donc. J'ai aimé mon mari, peut-être pas avec toute la tendresse passionnée qui est en moi, mais je l'ai aimé sincèrement. Je l'ai aimé vivant, je l'ai aimé mort. Jusqu'au jour où vous m'avez transmis de sa part cette prière, ou plutôt cette injonction, que vous savez. En vérité, monsieur de Frémeuse, autant qu'on peut répondre de soi, j'aurais été capable de ce dévouement, de cette fidélité éternelle à sa mémoire qu'il me commandait. Mais de tels dévouements et de tels sacrifices, non de prix et non de douceur, que s'ils sont volontaires. Que mon mari ait prétendu me les imposer, en charger ma conscience, en tourmenter à jamais ma vie, qu'il ne s'en soit pas fié à moi, c'est ce que je ne lui pardonne pas. J'obéis, cependant, à sa volonté, je cède, mais sachez bien que je le fais pour vous seul, parce qu'après vous avoir longtemps méconnu et même détesté, j'ai appris à vous estimer beaucoup et que je ne puis souffrir la pensée d'être mésestimé par vous. Voilà la vérité pure. Maintenant, jugez-moi comme vous voudrez et faites ce que vous voudrez. Je trouverai toujours que vous avez raison. » Comme elle achevait de parler, deux larmes jaillirent à travers ses épais cils bleus et glissèrent sur ses joues. « Madame, » répondit Maurice, maîtrisant difficilement son trouble profond, « une âme passionnée comme la vôtre doit comprendre et pardonner toutes les faiblesses, toutes les exaltations de la passion. Pardonnez donc à Robert, il vous a tant aimé. Pour moi ?» Il y eut en ce moment, dans le cœur du jeune homme, un tel conflit de sentiments que sa voix se brisa, et il fut forcé de s'interrompre. Après une courte pause, « Pour moi, pour ce qui m'est personnel, après ce que vous venez de me dire, je ne puis que me consacrer à vous absolument. J'essaierai donc, de tout mon cœur, d'être pour vous l'ami et le soutien que vous avez rêvé. « Merci, » dit-elle en lui tendant la main, et cette main prit alors possession définitive de ce loyal soldat. De cette minute, en effet, il lui appartenait, et il était impossible d'imaginer qu'il pût se dégager des liens si habilement et si fortement tissés dont elle l'avait enveloppé. mêlant à ses ruses profondes une sincérité de passion qui en était l'excuse, elle avait trouvé le moyen de lui faire un devoir de reconnaissance, une obligation de générosité et presque un point d'honneur de cette amitié qui était si près d'être de l'amour, de cet amour qui était si près d'être un crime. Maurice était donc, à dater de ce jour, engagé dans cette liaison singulière dont il avait en d'autres temps si vivement pressenti le charme et le danger. L'expérience ne trompa pas ses prévisions. Il connut le charme, il connut aussi le danger. Il comprit mieux que jamais combien il était difficile de maintenir dans les limites de la raison et de l'honneur ses relations d'intimité quotidienne avec une jeune femme d'un contact si redoutable. Car Madame de la Pave n'était pas seulement une créature d'une grâce idéale, évoquant devant l'imagination toutes les grandes séductrices dont l'histoire et la poésie ont consacré les noms. Elle était aussi de la race fatale de Circé. Elle avait ce genre de beauté qui ne parle pas au meilleur instinct de l'homme, mais qui, chez tous les hommes, trouve à qui parler. C'était une de ces magiciennes qui semblent recéler dans leur langueur étrange, dans leurs formes exquises, dans leur ironique sourire, le secret d'amours inconnus. Elle était de celles dont on ne supporte pas l'idée de rester l'ami, et dont la possession devient un désir furieux ou un amer regret qui vous suive jusqu'à la mort. On dit que la fascination de certains serpents plonge leurs victimes dans une sorte de stupeur qui, pour être mortelle, ne semble pas douloureuse et n'est peut-être pas sans une secrète volupté. C'était ainsi que Maurice, en présence de la jeune veuve, se sentait comme la proie d'un enchantement dont il ne voulait pas se défendre et qui lui faisait tout oublier. Mais dès qu'il ne respirait plus son parfum personnel, dès qu'il n'entendait plus la musique de sa voix, le charme se rompait et il voyait les abîmes ouverts. Où allait-il? Quelle suite, quelle fin, quelle issue possible à cette liaison sans nom, innocente encore sans doute, mais déjà suspecte au public et déjà compromettante pour celle dont la réputation devait lui être aussi sacrée que la sienne même? Et puis, quel serait l'avenir? Son congé terminé partirait-il? Le laisserait-elle s'éloigner d'elle maintenant? Allait-il donc, lui aussi, renoncer à sa carrière, se rendre coupable de cette insigne faiblesse qu'il avait tant reprochée à Robert, et pour la même femme, et sans la même excuse? Car Robert, du moins, avait le prétexte du mariage. Mais déposer ses épaulettes, briser son épée pour s'attacher à la suite d'une femme qui ne pouvait être pour lui qu'une amie, n'était-ce pas une pure folie, une pure honte? Et si elle le lui demandait cependant, n'était-il pas trop engagé avec elle pour lui rien refuser? Et puis surtout, hélas, il l'adorait. Il sortait un soir du château à la nuit close et retournait à pied chez sa mère. Chemin faisant, et loin de l'enchanteresse, il était retombé comme toujours dans ses cruelles incertitudes, dans ses scrupules, dans ses angoisses. Comme il passait sur les bords de la petite rivière qui arrosait le jardin du curé, il vit qu'une des fenêtres du presbytère était encore éclairée. C'était celle du cabinet où travaillait le vieux prêtre. Cette lumière, entrevue à travers les arbres, dans cette tranquille demeure, lui donna le sentiment d'une paix qui lui parut divine. Il porta envie au vieillard qui achevait doucement ses jours dans cette retraite. Il s'arrêta, puis tout à coup, faisant un détour, il alla sonner à la porte du presbytère. L'abbé des Mortreux, armé d'une loupe, était en train d'examiner des médailles quand on lui annonça le jeune commandant d'artillerie. Il se leva aussitôt et le reçut avec sa cordiale bienveillance, mais non sans une nuance d'embarras inquiet. « Je vous demande pardon, monsieur le curé, » dit Maurice, « de vous déranger à pareille heure. Mais vraiment, je suis si tourmenté, si malheureux, que j'ai voulu prendre encore une fois vos bons avis. » Le vieillard s'inclina légèrement. « Ma mère, » reprit Maurice, « vous aura certainement mis au courant de ce qui s'est passé, de ce qui se passe entre Madame de la Pave et moi. » L'abbé inclina de nouveau sa tête blanche. « Je pourrais sans doute prendre les avis de ma mère, dont je connais toute la sagesse, mais dans le cas présent, je crains qu'elle n'ait pas toute l'impartialité nécessaire. Je viens donc à vous, monsieur le curé, dans une circonstance critique de ma vie, et je viens à vous comme un honnête homme, et permettez-moi de dire comme un ami. Je viens aussi à vous comme un prêtre familier, avec les pensées hautes et saintes, et je vous demande conseil, car toute ma vie morale est en détresse. Voyons, mon enfant, Vous avez su par moi-même, monsieur le curé, que j'avais été chargé de transmettre à madame de la Pave les dernières volontés de son mari, et vous vous rappelez quelles étaient ses volontés. Il lui enjoignait avec une solennité tragique de ne jamais se remarier. Aujourd'hui, vous connaissez l'état de mes relations avec madame de la Pave. Vous savez quelle est notre situation mutuelle, combien elle est délicate, équivoque, impossible. Eh bien, au nom du ciel, que puis-je faire, que dois-je faire pour rester un honnête homme ? Mon enfant, dit le vieux prêtre, je sais tout cela en effet. Et tout cela me tourmente beaucoup, car véritablement, la question que vous me soumettez est en quelque façon insoluble. Je ne vous accuse ni l'un ni l'autre, car vous n'avez rien prémédité. Des circonstances inévitables vous ont rapproché et vous ont mis dans des rapports d'intimité confidentiels. Vous vous êtes aimé, c'est un malheur, un grand malheur. Mais enfin, telle est la situation, on ne peut la changer. Il s'agit uniquement de chercher la meilleure voie pour en sortir. Au premier abord, votre devoir paraît clairement tracé. Rassemblez tout votre courage, étouffez vos sentiments personnels, bravez les reproches, les larmes, le ridicule même, et vous en allez pour ne jamais revenir. Mais autant que je puis connaître madame de la Pave, si vous faites cela, c'est une femme perdue. Pour se venger de vous, de moi, de nous tous, du bon Dieu même, elle se jettera dans le désordre, elle deviendra une désespérée et une affolée. Vous en aurez fait une courtisane. L'abbé de Meurtreux s'interrompit un moment, puis voyant que Maurice baissait la tête sans répondre, il reprit. « Maintenant, monsieur, laissez-moi oublier une minute que je suis prêtre et vous parler nettement dans la langue mondaine. Si vous ne partez pas, si vous continuez avec madame de la Pave ces relations de prétendue amitié, dans un mois ou dans 6 mois, cette amie, la veuve de votre ami, sera votre maîtresse. Vous n'en doutez pas plus que moi. Eh bien, il vaut mieux qu'elle soit votre femme. » Maurice poussa un cri. « Oh, je sais !» reprit vivement le vieillard. « Je sais. Je ne me dissimule pas l'objection. Elle est terrible. Épousez cette jeune femme quand vous avez le souvenir tout chargé du dernier message de son mari. Quand ce message vous a été confié à vous-même, cela est très dur et très douloureux. Mais encore une fois, à l'heure qu'il est, c'est le seul moyen que vous ayez d'empêcher que la veuve de monsieur de la Pave ne soit un jour ou l'autre une femme déshonorée. « Mais grand Dieu !» s'écria Maurice. « Pour empêcher qu'il ne soit une femme déshonorée, faut-il donc que je me déshonore, moi ? Mon enfant, il est possible que je m'abuse, mais il me semble que si j'avais été de ce monde et que pareille alternative m'eût été posée, j'aurais plutôt hasardé quelque chose de mon honneur que de mettre en péril celui de la femme que j'aurais aimée. » Maurice soupira longuement, puis se levant. « Pardon, monsieur le curé, j'abuse vraiment. Je vous remercie. » Et je me retire. Et près de la porte, tenant la main du vieillard, c'est donc véritablement, comme vous me l'aviez prédit, ennemi ou complice, et me voilà complice. Dans le cours de sa nuit sans sommeil, le commandant de Frémeuse arrêta sa résolution. Il aurait une explication avec madame de la Pave. Il mettrait fin d'une façon ou de l'autre à la situation actuelle. Il avait été excusable de la prolonger tant qu'il avait pu garder quelques illusions sur la nature de ses propres sentiments et sur le caractère de cette liaison. Mais maintenant, et surtout après son entretien avec le curé, ses yeux étaient grands ouverts. S'il acceptait plus longtemps cette vie, ce serait la vie d'un hypocrite et d'un lâche. Tout valait mieux que cela. La journée du lendemain fut une belle journée d'été qui, dans l'après-midi, devint lourde et accablante. Quand Maurice se dirigea vers le château, un soleil d'or inondait encore la campagne, mais une bande d'un bleu sombre s'était déjà formée à l'horizon occidental et elle envahissait rapidement l'étendue du ciel. Déjà se faisait dans les champs et dans les sentiers ce silence de toutes choses et cette paix inquiète qui précède les orages. On dit à Maurice que madame de la Pave était au jardin et probablement dans l'allée des Charmilles. Ce fut là en effet qu'il la trouva, assise sur un banc de pierre et lisant. Ils aimaient tous deux cette vieille allée en berceau où s'était passée entre eux une scène qui était demeurée également chère à leurs souvenirs. Madame de la Pave y avait cherché un refuge contre l'extrême chaleur de la journée, mais depuis un moment, le ciel s'était voilé sous la nuée d'orage. Le soleil ne jetait plus de rayons à travers la voûte des Charmilles, et une demi-obscurité régnait dans la longue allée sombre et silencieuse comme une église. Le beau sourire qui avait entrouvert les lèvres de la jeune femme à l'approche de Maurice s'éteignit subitement dès qu'elle put distinguer l'expression rigide de ses traits. Elle se leva. « Vous avez à me dire quelque chose, mon ami ? » demanda-t-elle timidement. « Oui, Marianne. » Il s'assit près d'elle, et tandis qu'elle attachait sur lui ses yeux noirs pleins de troubles, « Marianne, l'existence que nous menons ne peut durer. Votre réputation pourrait en souffrir. Et de plus, je joue ici un rôle de Tartuffe qui me révolte, car la vérité est que je vous aime en amant et non en ami. Il faut donc en finir. Autrement, vous ne tarderiez pas à me mépriser, comme je commence à me mépriser moi-même. Je ne voudrais pas vous quitter, à moins que vous ne me l'ordonniez. Mais si je reste, il faut que vous me fassiez la grâce d'accepter mon nom, de m'épouser enfin. Je sais ce que je fais, croyez-le bien. Je sais ce que je vous propose. C'est un crime, mais nous en sommes là. Il faut choisir. Moi, je suis à vos ordres. Décidez. » Elle eut un éclat de douleur sans larmes et appuya fortement ses deux mains sur son visage, puis après quelques secondes, « Moi, dit-elle, je vous aime assez pour cela, mais vous, comme je vous connais, vous serez horriblement malheureux. »« Horriblement, » dit Maurice. Elle se leva tout à coup. « Eh bien, » s'écria-t-elle d'une voix brève, résolue, impérieuse, « plus une phrase, plus un mot, plus rien, partez. Partez, je le veux. Je vous jure que je le veux. Je vous l'ordonne. Adieu. » Elle lui prit les deux mains et lui tendit son front. Maurice lui baisa froidement les cheveux. Elle se laissa glisser avec un bruit de soie froissée et tombant à ses pieds, le corps brisé, la tête touchant presque le sable de l'allée, elle murmura encore une fois « Adieu ». Il la saisit violemment, la releva et la pressa longtemps sur son cœur et sur ses lèvres. Tout était dit. Ils étaient fiancés.